rendu azuré, lumière chatoyante, ombre bleutée sur les architectures saillantes, garrigue aride, pain hiératique, effleuré par la bise dans la douceur de la nuit, jeunesse qui gravite dans les rues du centre, énergie cosmopolite, soirée étudiante, ruelle circulaire, urbanisme en perpétuel, mutation, marteau, piqueur en action, nouvelle déviation, circulation, émanation de goudron frais en deux mots, bordel Montpellierin, de 0 à 20 pigiers, tissez bien des liens avec ceux qui sont désormais les miens, et rien que quelques pas-et-vient me ressource car j'y ai tant de lieux familiers, d'anecdotes par milliers, j'y ai gravi les grilles pour des parties de street basket, j'y ai mes petites cachettes, squatté le trottoir en maillot de Vince Carter et baggy casquette, imagine faux style d'athlète, le Wu-Tang sur les sables, dans les casques et les pages, cahier de classe, mes conneries, nado j'te les passe, j'ai eu pas mal première fois et certaines dernières fois, mais tous transformés, repères, partez quelque part, Montpellier est un peu la ville de mon passé, car ici aussi je vois les résidences se fermer, les portails se hisser, les épaules haussées, je laisse les bâtiments fleurir et mes souvenirs s'effacer. De façon, je ne veux pas vivre dans le passé, car c'est un havre de satin, mais il est glacé. Blême les cernes creusées, je fais cet enfant parisien, bâtiment terne, grisaille, quasi constante, je connais bien les métros crasseux qui crissent, où les gens s'entassent, les heures de pointe, le stress, la moiteur aigre douce et l'autre côté de la balance, avec les sublimes édifices, les quais de la Seine, la cour carrée, le jardin du Luxembourg ou la pyramide du Louvre. Pas de quoi se plaindre, j'étais pas si mal loti, bien dans mon quotidien. Je me rappelle des dimanches, pour le petit déj, la boulangerie m'appelait, j'avais 10 ans à peine et je cavalais dans 19e arrondissement de Paname, fonçais dans le parc début de chemin avec ma nouvelle bécane, rétro-pédalage, banane remplie de cartes, des BZ dans la cour de récré, première bagarre, premier amour, des victoires, des défaites, je regrette ces potes que j'ai quittés prématurément. Déménagement vers la banlieue étendue, dans un petit village perdu, l'atterrissage en Bourgogne fut quand même assez dur. Fini les grandes bâtisses, énormes artères urbaines, ici ces champs de maïs et gros tas de terre, fumier, paysage vide et vallonné, pas triste mais pas trop gai, je dois dire pour moi au début c'était pas super, mais je découvrais la nature, loin du stress que je retrouvais tous les 15 jours à l'UTS pour voir mon père le week-end. C'est l'époque des vols de cassettes, fringues, BD en tout genre, adolescence, collège, lycée, tout est passé en coup de vent. En soulevant les pages de ma mémoire, c'est carrément vertigineux, si près de la case départ et je m'avère en fait si vieux. À 20 berges, départ pour le grand large, débarque à Lyon pour faire mes études en art. Moi aussi je viens pour le dessin, j'ai bien affûté mon crayon, loin de mes proches en solitaire, je dois faire face à la pression. Je quitte la famille pour une coloc avec mes potes, tout autour ça fourmille, cette ville m'ouvre ses portes. Quant à moi, une fois encore, je dois tendre ma petite toile, tisser des liens dans ce décor que j'arpente et apprivoise. Nouvelle échelle, nouveau climat, nouvelle ambiance quand j'y repense. Premier hiver, il fait si froid, les rues sont droites et semblent immenses. J'arrive d'Île-de-France, donc pour moi ici c'est le sud, c'est grand certes mais c'est pas Paris. Prends vite mes marques et ça me rassure. Dans le chaos des travaux, la ville s'habille au fil des ans, les assauts des marteaux donnent vie à des endroits plaisants. Teinte orange, bleu, jaune, multicolore, la nuit à look d'Ounor, les lumières bouillonnent, les artères bouchonnent, des 8 heures pétantes, les plantes bourgeonnent, dans les parcs où les gens se détendent. Promenade sur les quais, chaque soir l'été, fouler les débris, s'asseoir et déstresser, sur les péniches, le Rhône défile, ondulations et reflets qui s'étirent, à travers l'alcool qui pétille, la colline sa basilique, surplombe la vieille ville. Ça fait maintenant quelques années, j'ai pas vu le temps passer, nos parcours se sont tracés, ancrés au gré des rencontres et des projets, des bons côtés, des mauvais, mais c'est chez nous désormais, Lyon nous a adoptés.